15, Vers 13. Matthäus 15, Vers 13. Praise the Lord. Alleluia. Alleluia. Then came his disciple, that's verse 12. And said unto him, knowest thou that the Pharisees be offended after they heard this saying? But he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted shall be rooted up. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Every plant that the Lord did not plant in this ministry, they are all rooted up in Jesus' name. Amen. Amen. Jede Pflanze, die der Herr nicht in diese Gemeinde gepflanzt hat, ist entwurzelt in Jesus' Namen. Notre demande de prière est basée sur Matthieu 15:13, qui dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. We don't care how many people are remaining. Uns ist egal, wie viele Leute noch übrig bleiben in der Gemeinde. Pour nous, ça nous intéresse pas combien de personnes nous sommes ici. But it must be the plant that Jesus planted. Aber es muss die Pflanze sein. Es müssen die Pflanzen sein, die Christus eingepflanzt hat. Peu importe combien de personnes en restent ici, mais il s'agit que des plantes que Jésus-Christ a plantées ici qui doivent rester. Praise the Lord. Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Amen. Today we go into vengeance is of the Lord. Heute sprechen wir über das Thema Rache. Die Rache gehört dem Herrn. Notre thème d'aujourd'hui, ça serait que la vengeance appartient à l'Éternel. In Romans 12. Romains 12. It says vengeance is mine. Là, il dit que la vengeance est la sienne. The Lord spoke a lot. Yesterday, a lot, even this morning. Der hat gestern noch heute sehr viel gesprochen. Éternel m'a beaucoup parlé hier et aujourd'hui aussi. Praise the Lord. Amen. In Romans 12. Romains 12. Romains 12. From 19 to the end. 19 à la fin. Praise the Lord. Romans 12. Romains 12. Romans 12, verse 19. Say, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Amen. The battle belongs to him. Le combat appartient à l'Éternel. Verse 20. It says, therefore, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. The only good is Christ Jesus. Das einzige Gute ist Christus Jesus. Le seul bien, c'est Jésus Christ. That's why we still give them Jesus. Deswegen geben wir ihnen immer noch Jesus. Et c'est la raison laquelle on donne à nos ennemis le Christ, on lui continue à les donner l'amour du Christ. That's why we still preach to them. Deswegen predigen wir immer noch zu ihnen. Et c'est pour cela on continue à prier, à prêcher, à leur prêcher. We will not allow them to push us to the flesh. Wir werden nicht zulassen, dass sie uns ins Fleisch bringen. On va pas les autoriser à nous emmener vers la chair. Let us remain in the spirit. Lasst uns im Geist bleiben. On doit rester en esprit. And never allow any demon to push us to the flesh. Und nicht zulassen, dass uns irgendein Dämon so provoziert, dass wir ins Fleisch fallen. Et on doit pas laisser qu'un démon nous provoque si fort qu'on puisse être dans la chair. The Lord wants us to keep on moving. L'Éternel veut qu'on puisse continuer. He said we should keep on moving forward. Der Herr sagt, wir sollen weiter voranschreiten. L'Éternel nous dit qu'on doit avancer. And never backward. Und nicht mehr zurück. Et ne jamais reculer. By avoiding, he wants us to avoid any evil distraction. Er will, dass wir jede böse Ablenkung verweigern. Il veut qu'on puisse, on puisse, on ne puisse pas. éviter chaque distraction. Merci. Praise the Lord. Satan is bringing distraction from every corner. Satan bringt Ablenkung aus jeder Ecke. Le diable amène des distractions partout. He wants our focus to be on people and not on Christ. Der Satan will, dass unser Fokus auf Menschen ist, nicht auf Christus. Le diable veut que notre concentration soit sur les gens et pas sur le Christ. Praise the Lord. But he is a loser forever. Aber er ist ein Verlierer für immer. Mais il est un perdant pour toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise Jesus. Amen. Before we continue. The Lord is warning us again and again and again. Der Herr warnt und warnt und warnt uns. L'Éternel, avant qu'on puisse continuer, l'Éternel est toujours en train de nous avertir. Amen. Amen. You know, if you remember, he sent Samuel to warn the children of Israel. Er hat Samuel geschickt, um die Kinder Israels zu warnen. Si vous vous rappelez, il a envoyé Samuel pour avertir les enfants d'Israël. Amen. Amen. He said, the king you desire, if I give him to you, this is what he's going to do. They desire a king. They wanted to be like the other nations. And not as how Christ wants them to be. Those that want to be like others are not what Christ wants you to be. Er hat Samuel geschickt, um die Kinder Gottes davor zu warnen, vor diesem Wunsch, den sie hatten, vor diesem König, den sie sich gewünscht haben, weil das Volk Israel so sein wollte wie andere Völker. Les enfants d'Israël voulaient être comme autre nation, avoir un roi, et l'Éternel les a avertis. Il a dit de vous devrez faire attention de désirer ce que autre nation ont. You know, with that of Samuel, I know that the Lord, before something happened to the so-called God people, there's always warning. Es gibt durch diese Situation habe ich verstanden, dass bevor etwas passiert, gibt es immer eine Warnung von dem Herrn. À travers l'histoire de Samuel, j'ai compris que avant quelque chose se passe aux enfants de Dieu, l'Éternel avertit toujours. The Lord sent Samuel to them and said, they should think well. Der Herr hat Samuel zu ihnen geschickt und gesagt, sie sollen nochmal die Sache überdenken und weise wählen, entscheiden, aber sie haben sich geweigert, den Rat des Herrn zu befolgen. L'Éternel a vu leur désir et l'a envoyé Samuel et les a avertis d'y penser encore à leur décision, mais eux ils ont refusé. Today he's still warning. Und heute warnt er immer noch. Et aujourd'hui il continue à nous avertir. And he wants us to choose him. Und er will das für ihn wählen. Et il veut qu'on puisse lui choisir. And again, before I continue, I will tell you that here is Christ and not secret society. Und auch bevor wir hier weitergehen, möchte ich auch noch mal betonen, dass dass hier diese Gemeinde Christus ist und nicht irgendeine Geheimorganisation. Et avant qu'on puisse continuer, je voudrais bien vous rappeler que ici c'est le Christ qui est ici, c'est pas une organisation secrète. You are free to come in and you are free to go. Du bist frei darin reinzukommen und auch frei darin rauszugehen. Toi, tu es libre d'entrer, tu es aussi libre de repartir. But we will not allow you to impose your doctrine on us. Aber wir werden nicht zulassen, dass du deine Lehre hier verbreitest. Mais on va jamais te laisser imposer ta doctrine sur nous. We will not tolerate any of your interpretation of the Bible. Deine Interpretation der Bibel können wir nicht akzeptieren. On va jamais tolérer ta propre interprétation de la Bible. Oder tolerieren. Amen. Because of what the book of Peter said to us. Et je le dis à cause de ce que Pierre dit à 1 Pierre. Praise the Lord. Amen. Amen. À cause de ce qui est écrit. Second Peter, please. Second Peter is better. Amen. Second Peter 1. Second Peter 1. Je le dis à cause de ce qui est écrit à 2 Pierre 1. Praise the Lord. Amen. From verse 19 to the end. 2. Petrus 1, 19 bis zum Ende. He said, we have also a more assured word of prophecy. Praise the Lord. Hallelujah. Whereunto you do well, that you take heed, as unto a lamp that shineth in dark place, until the day dawn. and the day star arise in your heart. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Praise the Lord. Hallelujah. We never accept any interpretation except what Christ revealed to us. Wir akzeptieren keine eigenmächtigen Deutungen, nur das, was Christus Jesus uns offenbart. Nous, on ne accepte jamais une doctrine ou une interprétation individuelle. On accepte seulement ce que l'Éternel nous dit. In religious churches, yes, you can, you know, they have thousands of interpretations there. But not in a living church. The living church, it is the Holy Spirit that revealed the truth. Jesus introduced him to us in John 16. He said the Holy Spirit will reveal all the truth to us. Genau, in religiösen Meinungen, das ist alles normal, dass jeder seine eigene Meinung hat und jeder sie vertreten kann und diese eigene Meinung wird toleriert und akzeptiert. Aber in einer lebendigen Gemeinde, es ist der Heilige Geist, der uns die Wahrheit offenbart. No? Dans une église religieuse, oui, il y a beaucoup des interprétations, mais dans une église vivante, c'est le Saint-Esprit nous a introduit, Jésus-Christ nous a introduit le Saint-Esprit, il nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui va tout nous expliquer. It is too late for somebody to tell us what the Holy Spirit says. And we know how the Holy Spirit speaks. Es ist zu spät, uns weiß zu machen, was der Heilige Geist eigentlich gemeint hat, wenn wir wissen, wie der Heilige Geist spricht und was er sagt. Le Saint-Esprit va nous faire comprendre la vérité et c'est trop tard que quelqu'un d'autre vient et nous dit ce que le Saint-Esprit voulait nous dire parce que on sait comment le Saint-Esprit parle. That's why it's good to know the truth. Deswegen ist es gut, die Wahrheit zu kennen. Et c'est pour cela c'est bien de connaître la vérité. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. He revealed the truth. Er offenbart uns die Wahrheit. Oui, il nous révèle la vérité. And not what makes sense to you. Und nicht das, was Sinn macht für dich. Il nous révèle pas ce qui a de sens pour ta propre compréhension. Verse 21 says, for this prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is through the Holy Spirit that we know the truth. Nur durch den Heiligen Geist kennen wir die Wahrheit und nicht durch irgendwas anderem. Verset 21 nous fait voir que c'est seulement à travers le Saint-Esprit qu'on connaît la vérité et pas à travers quelque chose d'autre. Your so-called Holy Spirit saying to you what we know that it is completely evil. We will not accept anything outside Christ. Wir werden nichts außerhalb von Christus Jesus akzeptieren, ne? Der sogenannte Heilige Geist, der zu dir spricht, der dir falsche und üble Offenbarung gibt, das können wir nicht akzeptieren. Si le Saint-Esprit te dit quelque chose, ton Saint-Esprit te dit quelque chose que nous on sait que c'est pas vrai, on va jamais tolérer ces mensonges parce que nous on écoute que la voix de l'Éternel. We always tell you, and we want you not to leave the ministry, this ministry, Gracie Dawson's ministry, because we know that here is Christ alone. Wir sagen es immer wieder zu den Menschen, dass wir wollen nicht, dass ihr die Gemeinde verlässt, denn diese Gemeinde ist Christus Jesus. Grace in unserer Ministry ist eine lebendige Gemeinde, ist Christus Jesus selbst. Moi, je vous dis toujours, nous, on vous dit toujours de ne pas quitter cette église parce que nous, on sait que ici, c'est vraiment le Christ qui est dedans. A living church is not common. Eine lebendige Gemeinde ist nicht überall. Et on sait tout qu'une église vivante n'est pas ordinaire, si tu le trouves presque pas. Because and also we know that once you say you have problem with us, where are you going? Are you going to another living church? Because the same problem you have here is what you are going to have there. Because the living church, they are all one, and not two. Und wenn du sagst, du ein Problem in dieser Gemeinde hast oder mit dieser Gemeinde hast, wirst du in eine andere Gemeinde, lebendige Gemeinde gehen, aber in diese andere lebendige Gemeinde wirst du auf die gleichen Sachen stoßen. Du wirst dann auch wieder mit ihnen Probleme haben. Eine lebendige Gemeinde immer eins ist. Et si tu veux dire que oui, je veux abandonner Gracie Darosa Ministry parce que j'ai un problème ici avec les gens et je veux partir dans une autre église vivante, ça ne peut pas être parce que avec une autre église vivante, c'est la même et c'est le même esprit qui règne là-bas, c'est le même esprit qui règne ici. Donc ça signifie que le problème que tu laisses ici, tu vas le trouver aussi là-bas si c'est une église vivante. It means having problem with here is having problem with all living churches. Das heißt, ein Problem hier in dieser Gemeinde zu haben, bedeutet ein Problem in jeder anderen lebendigen Gemeinde zu haben. Ça signifie que quand tu as un problème avec une église vivante, cette église vivante ici, ça signifie que tu as un problème avec toutes les églises vivantes. Amen. If there are others. I pray that there should be others. Amen. Because once you have problem with here, you will have, because it's the same message. It's the same correction. It's the same repentance. It's the same Holy Spirit. You can see it. If you have problem with here, then what you can do is just maybe you go to a religious church that will preach what you like. Der gleiche Heilige Geist. Come to your level. Und damit, because they're already in your level. Damit sie dann vielleicht dann in einer Gemeinde besser geht, muss es dann eine religiöse Gemeinde sein, wo diese Leute auf dem gleichen Level sind wie du. Donc si tu as un problème ici, ça signifie que c'est pas possible pour toi de trouver encore une église vivante, parce que tu auras le même problème aussi de là-bas, vu que les églises vivantes sont un membre. Donc ça signifie que tu vas partir dans une autre église qui va satisfaire ta chair, qui va se rabaisser à ton niveau. Amen. Except you choose religious church, they will accept whatever doctrine you have, because they have different doctrines there. Es sei denn, du findest eine religiöse Gemeinde, weil da akzeptieren sie jegliche Lehren, die es gibt, weil sie jegliche Lehren vertreten und auch tolerieren. Da kannst du dich dann wahrscheinlich wohlfühlen. Et si tu as un problème ici et que tu pars dans une autre église, ça va sûrement être une église religieuse, parce que eux aussi, dans des églises religieuses, ils vont aussi accepter ta doctrine, vu qu'ils sont en train de tolérer tout. Amen. Amen. We warn you, we will always warn you before you leave. Wir haben dich gewarnt, wir werden dich immer wieder warnen, bevor du auch gehst. On t'a averti, on va toujours t'avertir avant que tu puisses partir. Because we know what is outside. Wir wissen, was da draußen wartet. Parce que nous, on sait qu'est-ce qui est en dehors d'ici. Amen. Amen. There's no example of Christ anywhere, not even in churches today. Es gibt kein Beispiel von Christus nirgendwo. Of the true God. Von dem wahrhaftigen Gott. Il y a aucun exemple du Christ ailleurs. It is full of the good of this world. Es ist voll von dem Guten dieser Welt, überall. Ailleurs, c'est vraiment plein de ce monde. Amen. Amen. We are exact image of Christ Jesus. Wir sind das exakte Ebenbild von Christus Jesus. Nous sommes l'exacte image de Jésus-Christ. Just like Jesus said, he is exact image of his father. So wie Jesus sagt, er ist das exakte Ebenbild von seinem Vater. Tout comme Jésus-Christ dit qu'il est l'image exacte de son père. We are the ambassador of Christ. Wir sind die Botschafter von Christus. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Amen. Amen. The Lord wants us to stop talking about people. Der Herr will, dass wir aufhören, über Leute zu sprechen. L'Éternel veut qu'on arrête de parler des gens. He said we should stop talking about them. Dass wir aufhören sollen, über sie zu sprechen. On doit arrêter de parler de d'eux. He said if she said we should leave everything for him. Amen. We should just leave everything. He said that is, you know, we should just leave. And it's also coming from him that we should leave them. Und er hat gesagt, dass wenn diese Schwestern Christus gesagt hat, dass wir alles, dass wir es gut sein lassen sollen, dann sollen wir es auch gut sein lassen. Et il m'a dit que si la sœur en Christ nous dit qu'on doit laisser, on va aussi tout laisser. Amen. Amen. That is said, vengeance is. Aber er sagt, die Rache ist sein. Mais il a dit que la vengeance lui appartient. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. You know, just like he said in the Bible, it is said that, you know, Satan, you know, Judas will betray him. It is already written. So also it is already written that a living church will suffer persecution. Mm-hmm. Er hat gesagt, genauso wie geschrieben ist, wurde, dass Judas Jesus verleugnen wird. Genauso ist auch schon geschrieben, dass eine lebendige Gemeinde Verfolgung erleiden wird. Et il a dit que tout comme dans la Bible, il est écrit que Judas va trahir Jésus-Christ. C'est comme ça aussi qu'il est écrit dans la Bible qu'une église vivante sera persécutée. Amen. Amen. It is true that Satan will persecute this, you know, a living church, the ministry of Christ. Das ist wahr. The woe unto him or her. Or whoever that allowed that Satan to go through him. Mm-hmm. Just like Jesus said, woe unto Judas. Mm-hmm. For allowing Satan to go through him to betray him. Mm-hmm. Es ist wahr, dass eine lebendige Gemeinde verfolgt wird. Aber wehe der Person, durch die sie verfolgt wird. Ne? Genauso wie das Sklaven, es prophezeit wurde, dass Judas, dass Jesus verraten wird von einem seiner Jünger. Ne? Aber wehe der Person, durch die dieser Verrat stattfinden wird. Oui, c'est vrai que mais la Bible nous dit aussi que oui, comme Jésus-Christ a dit aussi que malheur à la personne qui va trahir Jésus-Christ, c'est comme ça aujourd'hui, il nous dit aussi malheur à la personne qui va persécuter sa maison, son église. He said, woe unto those that we allow their body to be a vessel for Satan to go through to fight his ministry, yeah, to fight his children. Wehe denen, die ihre Körper als Gefäß dem Satan dargeben, darreichen, um seine Kinder, um die Kinder Gottes zu verfolgen. Il dit que malheur aux personnes qui donnent leur corps pour que le diable puisse combattre les enfants de Dieu. He warned those that refuse to repent. Let's go to Luke 10, please. Just like he warned those that refuse to repent. Er warnt die Leute, die sich weigern zu Buße. Il avertit les gens qui sont en train de se refuser, qui sont en train de refuser de faire de se repentir. Praise the Lord. Hallelujah. He warned those that refuse to repent. Warnt die sich weigern, sich zu Buße zu tun, umzukehren. Il avertit les personnes qui sont en train de refuser à se repentir. Warnung heißt, dass die Zerstörung auf dich zukommt, die für dich ist. Quand il est en train de t'avertir, ça signifie que il y a une destruction qui t'arrive. I will not want Christ Jesus to woe me. Ich will nicht, dass Jesus mich mich warnt auf diese Art und Weise. Es gibt ein Warn, was Christus ist, aber woe ist nochmal eine andere Art von Warn. Moi, j'aimerais pas que l'Éternel puisse m'avertir de cette manière. He warned Satan and he warned the religious people. Mm-hmm. Er hat den Satan gewarnt und hat auch die religiösen Leute gewarnt. Mm-hmm. Il a averti le diable et il a aussi averti aux religieux. Let's read from verse 10 to 16. 10 16. On va lire Luc 10. But unto whatsoever city you enter, and they receive you not, go your way out into the street of the same, and say, verse 11, even the very doors of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you. Verse 12. But I say unto you, that it shall be more tolerable in the day of Sodom than for that city. People that refuse to repent. He's talking for... Ici, il parle des gens qui sont en train de refuser de se repentir. Amen. Praise the Lord. He said, you know, even the city of, you know, Sodom and Gomorrah, they will know the Lord will pity them more than he will pity you. Have mercy on them before you, if even we have mercy on you. Amen. Der Herr wird sogar auf Sodom und Gomorrah noch mehr Gnade zeigen als die überhaupt eine Gnade zeigen wird. Verset 12, il dit ici, je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Donc ça signifie que Sodome et Gomorre ne sera même pas jugé comme toi, comme une personne qui refuse de se repentir. Because, you know, what you have, if they heard it, maybe they could have repented. Weil das, was du gehört hast, wenn sie es gehört hätten, hätten sie vielleicht Buße getan. À cause de ce que toi tu as écouté, parce que ce que toi tu as entendu à l'église, si eux ils étaient capables à l'écouter, peut-être ils allaient se repentir, mais toi tu ne t'es pas repenti. Amen. The Lord gave himself to you. Der Herr hat sich dir gegeben. Aber dennoch hast du dich geweigert, Buße zu tun. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour toi. Il s'est fait crucifier pour toi, mais toi, malgré tout, tu as refusé de te repentir. Woe unto thee, Chorazin. Woe unto thee, Bethsaida. For if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you. Do you see that? Yeah. They had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes. Praise the Lord. Hallelujah. But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. Unrepentant heart, he hates it. Ein unbußfertiges Herz hasst der Herr. Un cœur qui ne veut pas se repentir, l'Éternel déteste un cœur pareil. Because unrepentant heart is a pride heart. Weil ein unbußfertiges Herz ist ein stolzes Herz. Parce que un cœur qui ne veut pas se repentir est un cœur vraiment plein de orgueil, voilà. A heart full of pride. Ein Herz voll von Stolz. Un cœur plein d'orgueil. A heart full of self. Ein Herz voll von Selbst. Un cœur plein de soi. Can never repent. Kann niemals Buße tun. N'est jamais capable à se repentir. And that such a heart fight against the true God. Und so ein Herz kämpft gegen den wahrhaftigen Gott. Et un cœur pareil est en train de se battre contre l'Éternel. Such a heart rejects Christ's death. So ein Herz verweigert den Tod. Von Christus Jesus. Un cœur pareil est en train de refuser ou bien oui de ne pas accepter la mort de Jésus-Christ. Such a heart makes Christ's death to be in vain. So ein Herz sorgt dafür, dass der Tod von Christus Jesus vergeblich ist. Un cœur pareil fait de la mort de Jésus-Christ comme si c'était quelque chose en vain. Unrepentant heart. Ein unbußfertiges Herz, er hasst es. Il déteste un cœur qui ne veut pas se repentir. Amen. Such a heart is not different from the heart of the Pharisee. So ein Herz ist nicht anders als das Herz der Pharisäer. Un cœur pareil n'est pas différent d'un cœur de pharisée. Amen. Verse 14. But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment day, judgment than for you. And thou companion, which art exalted to heaven, shall be thrust down to hell. He that heareth you, heareth me. Praise the Lord. Hallelujah. He sent me to people and they rejected. Zu Leuten geschickt, aber sie haben es verweigert. Il a dit si quelqu'un vous écoute, il m'a aussi écouté. Donc il m'a envoyé vers les gens ont rejeté. You know, directly and indirectly. Direct ou indirect. Donc directement ou indirectement. I spoke with people and you know through the message. He has been speaking also. Ich habe zu Leuten gesprochen. Und auch durch die Botschaft hat der Herr zu diesen Menschen gesprochen. Aber dennoch haben sie es komplett verweigert. Was für ein verhärtetes Herz. J'ai parlé aux gens, même à travers les messages, j'ai parlé aux gens. Mais les gens ont toujours choisi de ne pas se repentir. Donc, quel cœur endurci. We know who we are. Wir wissen, wer wir sind. Nous, on connaît qui nous sommes. We know what here is. Wir wissen, was hier ist. On sait qu'est-ce qu'il y a ici. You cannot make here a joke. Du kannst diese Gemeinde nicht zu einer Comedy-Show machen, zu einem Witz machen. Et tu ne peux pas jouer avec cette église ici. Praise the Lord. Hallelujah. He that heareth you, heareth me. And he that despise you, despise me. And he that despise me, despise him that sent me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let's go to Matthew, we might not go there. Amen. Matthew 23. You can see he wore the Pharisees a lot. Matthew 23, on peut voir aussi qu'il a toujours averti aux pharisés. He hates unrepentant. Denn er hasst ein unbußfertiges Herz. Il déteste un cœur qui ne se repentit jamais. Amen. Qui ne se repentit. James said he wrestled against unrepentant heart. In Jakobus steht, dass er gegen das unbußfertige Herz kämpft. On va lire Jacques 4. Okay. Oh, sorry, verse 6, not 16, please. James 4, verse 6. Jacobus 4, verse 6. Jacques 4, verset 6, on va voir qu'est-ce qu'il dit ici. He said, but he gave them all grace. Therefore, he said, God resists the proud. Resist. You know how you resist something. There's fight. Er widersteht den Hochmütigen, er kämpft gegen sie. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ça signifie que quand il dit qu'il s'oppose aux orgueilleux, ça signifie qu'il combat contre les orgueilleux. On repentance has a proud heart. Ein unbußfertiges Herz, ein stolzes Herz. Donc, un cœur endurci qui ne veut pas se repentir, c'est un cœur vraiment plein d'orgueil. He said, God resists you. Gott widersteht dir. Et l'écriture déclare que Dieu s'oppose à ces personnes. They give grace unto the humble. Praise the Lord. Gnade den Demütigen. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. Amen. I thank Christ Jesus that this ministry never depend on any man. Ich danke Christus Jesus, dass diese Gemeinde nie auf Menschen basiert war, nie auf Menschen sich verlassen hat, sondern auf Christus alleine. Amen. Je remercie à l'Éternel parce que cette église est toujours, oui, ne dépend jamais des personnes, mais pas, il dépend seulement de Jésus-Christ lui-même. This ministry is Christ, and Christ is this ministry, and no man can separate this ministry from Christ. Amen. Diese Gemeinde ist Christus, und Christus diese Gemeinde, und niemand kann Christus von dieser Gemeinde trennen. Cette église, ce ministère ici, c'est Jésus-Christ, et Christ est aussi ce ministère. Donc, personne ne peut nous séparer du Christ. Just like the Pharisees tried to separate Jesus from God. Genauso wie die Pharisäer versucht haben, Jesus von Gott zu trennen. Tout comme les pharisiens ont essayé de séparer Jésus-Christ de son Père, de Dieu. Amen. They tried to separate Christ Jesus from God. Sie haben versucht, Christus Jesus von Gott zu trennen. Ils ont essayé de séparer Jésus-Christ de Dieu. Amen. They never see Christ as God. Sie haben Christus niemals als Gott gesehen. Ils ont jamais considéré Jésus-Christ comme Dieu. So also today they never see here as Christ. Das ist genauso auch hier, sie sehen diese Gemeinde nie als Christus. Yeah, everywhere. The Pharisees are still everywhere today. Tout comme aujourd'hui, les gens ne voient pas cette église ici, ne considèrent pas cette église comme le Christ, et on voit que les pharisiens sont toujours partout. If here is not Christ, then what are we doing here? Wenn hier nicht Christus ist, was tun wir dann hier? Si ici c'est pas Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait ici? If Christ is not God, then what did he come here to do? Was ist er, weshalb ist er dann hier hingekommen? Et si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? John 8, please. Praise the Lord. On va lire Jean 8. John 8. Praise the Lord. Alléluia. From verse 37. 37. Jean 8, 37. Praise the Lord. Alléluia. I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my word hath no place in you. You see something there. Ich weiß, Johannes 8, 37. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber er sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ici, à verset 37, ici, il dit que oui, je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Then verse 38. I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. They claim Abraham as their father. Sie haben Abraham als ihren Vater bezeichnet. Ici, ils ont en train de dire que Abraham est leur père. Then Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the work of Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if Abraham is your example, you will do the work of Abraham. Abraham never fight God. Wenn Abraham wirklich euer Vorbild wäre, dann würdet ihr nicht gegen mich kämpfen, weil Abraham hat niemals gegen Gott gekämpft. Il a dit que si Abraham était vraiment réellement votre père, vous n'allez pas vous chamailler avec moi, parce que Abraham s'est jamais chamaillé avec son père, avec Dieu. He said, if you were really Abraham, truly Abraham's children, you would do the work of Abraham. Mm-hmm. But now you seek to kill me, a man that have told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Abraham, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Abraham never rejects the message, any word of God. Aber he obeyed all. Das Wort von no, Jesus he obeyed all the message. Er hat das Wort von Gott immer wieder akzeptiert, jede Botschaft. Et Dieu leur dit que Abraham n'a jamais, il n'a jamais agi comme vous, il n'a jamais rejeté la parole du Père. Praise the Lord. Alléluia. I'm sure we still have it later. Amen. Let me read it to. We will not have time to read it to the end. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me read it to some parts and say, let's see how we continue. Then in verse 40. Verse 40. But now you see, to kill me, a man that have told you the truth, which I have heard of God, and this did not Abraham. Verse 41. You do the deed of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and have come from God. Neither, praise the Lord. Amen. You see what is there. Because of time, let's leave here. Praise the Lord. Amen. We might come back here again. Let's go to John. John 7. On va partir maintenant à Jean 7. On va retourner ici après. John 7. Please. Amen. John 7 from verse 14. John 7 from verse 14. Jean 7, verset 14. Praise the Lord. Alléluia. Now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. He was a teacher. Jésus-Christ était un professeur. Praise the Lord. Hallelujah. It's not just proclaiming, but teaching. Nicht nur bezeugen, sondern auch lehren. Donc il n'a pas seulement proclamé, mais il a appris. Il a fait. Il était un professeur. Amen. And in verse 15, and the Jews marveled, saying, how knoweth this man letter, having never learned? Jesus did not have PhD. Und die Juden verwundern sich über seine Sprache. Never learned. Also über. Die Juden verwunderten sich. Und Jesus hatte keinen Doktortitel. Er hat nicht studiert. Et les Juifs étaient vraiment étonnés. Ils se sont vraiment demandé, mais pour comment il est connaître, il est capable à apprendre les gens l'écriture sans avoir jamais étudié parce qu'il n'avait pas de titre. Amen. Amen. You know those that went to school that learn. You know that you know they learn. You know their PhD. They have different degree. Once they are speaking, you just know that yes. You don't need to argue. But this man, Jesus. Amen. What was coming out from him? You know, he said, and the Jews marveled, saying, how knoweth this man letters, having never learned? Do you get something? Weil wenn Leute einen Abschluss haben oder einen hohen Bildungsgrad erreicht haben, dann durch ihre Sprache erkennt man das. Und auch für Jesus, die Art und Weise, wie er gesprochen haben, sie waren verwundert darüber, weil sie sich gedacht haben, woher kommen diese Worte, woher kommt diese Weisheit? Eux, ils étaient vraiment étonnés parce qu'ils se sont dit, mais comment les Jésus-Christ étaient capables à enseigner parce que lui, il n'avait pas des diplômes. Parce que surtout dans ce temps-là, tu devrais avoir, pour enseigner, tu devrais avoir un diplôme, tu devrais, être vraiment bien. Mais Jésus-Christ n'a pas, il était juste un charpentier, mais il était capable à enseigner l'écriture sans un diplôme. Tout comme moi aujourd'hui. Praise the Lord. You can see why I am qualified. Ihr seht, weshalb ich qualifiziert bin. Et vous pouvez voir maintenant pourquoi je suis qualifiée. He qualifies me. Er qualifiziert mich. C'est parce que lui, il m'a qualifiée. The Holy Spirit is the doer, and not man. Denn der Heilige Geist ist der Macher und nicht der Mensch. Et c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est la personne qui fait, qui travaille à travers l'homme. Don't need any degree to know Christ Jesus. Du brauchst keinen Abschluss, um Christus Jesus zu kennen. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour être capable à connaître Jésus-Christ. Is somebody getting it? Praise the Lord. Verse 16, Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but he that sent me. He's now saying, the doctrine that you just heard, that the reason why you marvel is coming from the Holy Spirit. Jesus sagt jetzt gerade, der Grund, weshalb ihr jetzt hier erstaunt seid, ist nicht wegen menschlicher Weisheit, sondern wegen des Heiligen Geistes. Et Jésus-Christ leur répondit, rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Ici, il parlait du Saint-Esprit. He's saying that the doctrine, you know, what you heard, that the reason, you know, you marvel because of it, it's not coming from man. From God, das kommt nicht von Menschen, sondern es kommt von Gott alleine, vom Heiligen Geist. Parce qu'il dit que la doctrine que vous êtes en train d'entendre, d'écouter, ça vient pas de l'être humain, ça vient du Saint-Esprit lui-même. Verset 17. If any man will do his will, he shall know of the doctrine. Praise the Lord. It's the same doctrine. If you do his will, you will know of his doctrine. Wenn du seinen if you are ready to allow him to be your focus, your value, your desire, your everything, you will know this doctrine. Wenn du zulässt, dass er alles ist wie für dich, dann wirst du diese Lehre kennen und auch so wie Jesus sprechen, genauso wie er. Si tu fais tout pour connaître l'Éternel, avoir ton envie, ton désir, que ce soit ton désir soit Jésus-Christ lui-même, tu seras comme lui, tu vas parler comme lui, comme ton Père. Praise the Lord. You know, when people speak, I know where it's coming from. And I've noticed you children here. When somebody is speaking, you know where this the message of the world. Sometimes the world looks so good, so beautiful. You know that, but you don't notice that something is behind it. Wenn Menschen sprechen, weiß ich, woher diese Botschaft kommt. That's what Jesus is saying. Und das habe ich auch bei euch Kindern Gottes in dieser Gemeinde gemerkt, dass ihr auch direkt erkennt, aus welcher Quelle Menschen sprechen. Et ça, je vois ça aussi aujourd'hui, ici entre vous aussi, qu'on est capable de comprendre, même si quelqu'un dit quelque chose que. Oui, que ça semble bien, mais toi, tu sais de quelle source cette parole vient. Praise the Lord. Amen. That's verse 17. Now verse 18. Verset 18. He that speaketh of himself seeketh his own glory. I never speak of myself. Ich spreche niemals von mir selbst. Ich spreche immer nur von Christus. Without him, I'm nothing. Amen. Bin ich nichts. Amen. Celui qui parle en son propre nom cherche sa propre gloire. Mais moi, je ne parle jamais de moi-même. Je parle de Jésus-Christ. And I thank him that I'm never without him. Ich bin dankbar, ich niemals ohne Christus bin. Et je suis vraiment reconnaissante que je suis jamais sans Jésus-Christ. But he that seeketh his glory, that sent him, the same is true. And no unrighteousness is in him. You see that? We never seek our glory. Wir suchen niemals unsere Ehre, sondern die Ehre von Christus. We promote Christ and never us. And never man. Wir fördern immer Christus und nicht das selbst. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'a rien de faux en lui. Donc ça signifie que nous, on est entrés, nous aujourd'hui dans une église vivante, on cherche seulement à être comme notre Père, à lui honorer et pas honorer notre propre chair. Praise the Lord. Verse 19, did not Moses give you the law, and yet none of you keep the law. Why go ye about to kill me? How people are just against this ministry. Die Leute gegen diese Gemeinde sind, gegen Grace the Rosa Ministry. Donc, c'est vraiment, ici dit que Moïse vous a donné la loi et pourtant aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer, tout comme les gens cherchent vraiment à détruire cette église ici? It is true, fear Jim. Fear Grace in the Hosas Ministry. Weil die Leute sich von dieser Gemeinde bedroht fühlen. Yeah. Just be afraid of. Es stimmt auch. Because it's all about Christ. Man soll Furcht haben vor Grace in the Hosas Ministry, weil es hier nur um Christus Jesus geht. Mais la chose est que les gens se sont menacés de cette église, mais ils ont aussi raison de se sentir menacés de cette église, parce que ici c'est Jésus-Christ, donc c'est vraiment vrai, vous devrez vous sentir menacés. Just like Jesus said, fear God. So also fear Grace in the Hosas Ministry. Tout comme Jésus-Christ a dit que de craindre l'éternel Jésus, craindre Dieu. C'est comme ça, c'est que vous devrez craindre cette église ici. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 20. The people answered and said, that has a devil who goeth about to kill you. You know, they will not say God have a devil, but Jesus have a devil. Mm-hmm. You can see they always want to separate him from God. Mm-hmm. Und sie hätten nicht gesagt, dass Gott einen Dämon hat, sondern sie sagen, dass Jesus einen Dämon hat. Und sie wollen ihn immer wieder trennen, würde ich auch sagen. Verset 20, il dit, les gens et la foule, même les pharisiens, disent aussi à Jésus-Christ, tu as un démon en toi. Donc tu peux voir que Dieu, Jésus-Christ est Dieu, mais ils veulent toujours séparer Dieu du Christ, parce qu'ils vont dire que Dieu n'est jamais mauvais, mais ils vont dire que Jésus-Christ a un démon. Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Can you see how they try to separate Christ Jesus from God? Seht ihr, wie sie versucht haben, Christus Jesus von Gott zu trennen? Et est-ce que vous êtes capable à voir comment ils sont en train de les gens sont en train de séparer Jésus-Christ de Dieu? They never say God has a devil, or that God has demons, or call God Beelzebub, but they call Jesus. You know, they were always trying their best to separate Christ Jesus from God. Sie haben immer ihr Bestes getan, um Christus Jesus von Gott zu trennen. Eux, les gens ont toujours fait leur mieux de séparer Jésus-Christ de Dieu. Ils l'ont appelé Beelzebub, ils l'ont insulté. Mais Dieu, ils n'ont jamais insulté. Ils sont en train de le traiter différemment. Praise the Lord. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12. Verse 24. 24. Matthieu 12, 24. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. Can you see what they call Jesus? The prince of the devil, that he is using the power of the devil. They never say God used the power of the devil, but Jesus used the power of the devil. Sie sagen nicht, dass Gott die Kraft der Dämon der Satan nutzt, sondern dass Christus die Pharisees, Kraft des Dämonen der Satan nutzt. Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Beelzebub. Donc, ils n'ont jamais voulu voir que Jésus-Christ est en train d'opérer de Dieu, mais toujours de Beelzebub. Donc, oui. Praise the Lord. Hallelujah. He also, the Lord said, if they call your name, if they call me name, they will call your name. Der hat auch gesagt, wenn sie über mich schlechte Sachen sagen, dann werden sie auch über euch schlechte Sachen sagen. Donc l'Éternel a dit aussi que si ils ont mal parlé de moi, donc c'est évidemment ils vont aussi mal parler de toi. Et c'est pour cela on n'a pas besoin à être étonné si le diable parle mal de nous. Then John 10. Si les gens parlent mal de nous. Verse 31. Jesus said, no one can separate me from my Father. Let's go there. John 10. Johannes 10. John 10. You're all liars. Ihr seid alle Lügner. No one can separate him from Christ. Niemand kann ihn von Christus trennen. Somebody get in. Il y a personne qui est capable de nous séparer du Christ, tout comme personne n'était capable de séparer Dieu du Christ, de Jésus-Christ de son Père. John 10. Johannes 10. John 10. Verse 30. Verse 30. Verset 13. Amen. Amen. Amen. I and my Father are one. Simple. Jean 10, verset 31, il dit ici que, cette fois encore, il dit que Jean dit que moi et mon Père, nous sommes... Hein, 36, hein, 30, il dit que, or moi, le Père, moi et le Père, nous sommes qu'un, une personne. Praise the Lord. They could not separate Jesus from his Father. So also, no demon in hell can separate him from Christ Jesus. Genauso kann auch kein Dämon der Hölle Jesus von dieser Gemeinde trennen. Déjà au passé, ils n'étaient pas capables à séparer Jésus-Christ de Dieu, et c'est comme ça aussi qu'ils sont pas capables à nous séparer ici, nous, cette Église de Jésus-Christ. Just like Jesus said, my Father. I and my father are one. This ministry and Christ, they are one. Amen. Mm. Tout comme Jésus-Christ a dit que moi et mon Père nous sommes un, c'est comme ça que cette église ici et Jésus-Christ se sont un. Non, the Pharisees of them. I would be shocked to see them in heaven on that day. Ich wäre schockiert, sie im Himmel zu sehen. Moi, les pharisiens, je serais vraiment choquée si je les voyais au royaume des cieux, sauf s'ils ont fait et se sont repentis. Amen. Today there are still Pharisees everywhere. Aujourd'hui, il y a des pharisiens partout. Amen. That's why it's good to prove yourself. Deswegen ist gut, dich selbst zu prüfen. Et c'est pour cela, c'est vraiment bien et important de s'examiner soi-même. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Prüfe alle Dinge auf dich selbst. Il a dit qu'il faut vraiment tout examiner et même toi-même. Are you still like them? Bist du immer noch so wie sie? Est-ce que tu es toujours comme eux? Amen. Prove yourself. Prüfe dich selbst. Examine toi-même. 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonica 5. Vers 21. Vers 21. 1 Thessalonicien 5, verset 20. Prove all things. Prüfe alle Dinge. Including yourself. Auch dich selbst. Tu dois vraiment tout examiner. Au contraire, examiner toutes choses, même toi-même. Check your decision. Check your choice. Prüfe deine Entscheidungen, deine Wahl. Examine tes décisions et tes choix. Amen. Check those you move with. Prüfe die, mit denen du Zeit verbringst. Examine ton entourage. Check those you reject. Die Leute, die du verweigerst. Examine tout ce que tu es en train de rejeter. Amen. Check whatever you hate and love. Prüfe das, was du hast und was du liebst. Et c'est pour cela que tu dois aussi examiner ce que tu détestes et ce que tu aimes. If you are with God's children and you are no longer comfortable, then check yourself. Wenn du dich bei Kindern Gottes nicht mehr wohlfühlst, dann hinterfrage dich selbst. Si tu n'es plus confortable avec les enfants de Dieu, alors examine toi-même. It is very easy to know if one is possessed. Es ist sehr einfach zu wissen, ob jemand besessen ist. C'est vraiment facile à reconnaître si qu'un de nous ou bien si quelqu'un est possédé. If you are running away from God's children, you know that there's another spirit. Si tu es en train de fuir les enfants de Dieu, tu dois savoir qu'il y a un autre esprit qui est en train de régner en toi. Donc ça signifie que tu es possédé. Amen. If you can no longer be one with God's children, you know that you are possessed. Wenn du nicht mehr eins sein kannst mit Kindern Gottes, dann weißt du, dass du besessen bist. Si tu n'es pas capable à être un avec les enfants de Dieu, tu dois savoir que tu es possédé. You know. Galatians 3. We will not go there now. We'll go there later. You know, Paul said, you are possessed. Who be with you? You started with Christ, and now it's all about you. Who be with you? How are you able to come to this level? That if you know you are not possessed, and you cannot even see it, you are so blind. The blindness is so deep. That is, even Jesus can do nothing. Du bist besessen, verblendet und verhext worden. Donc tu es possédé, tu es aveuglé et donc tu as un grand problème si toi tu ne veux pas être un avec les enfants de Dieu. What is the difference between you and the Pharisees? Was ist der Unterschied zwischen dir und den Pharisäern? Quelle est la différence entre toi et les pharisiens? Amen. They claim Abraham as their father. Sie sagen, dass Abraham ihr Vater ist. Parce que eux ils disent que Abraham est leur père. You claim Abraham as your example. Du bezeugst, dass Abraham dein Vorbild ist. Toi, tu dis que Abraham est vraiment est ton exemple. And again, Jesus, we were there. Jesus, if Abraham was your father, you would do the deed of Abraham. Wir haben gerade gelesen, dass Jesus gesagt hat, wenn Abraham euer Vater wäre, würdet ihr die Werke Abrahams tun. On vient de lire que Jésus-Christ dit que si Abraham était vraiment votre père, vous allez faire sa volonté. Abraham did not seek to kill Jesus. Abraham hat nicht versucht, Jesus zu töten. Abraham n'a pas essayé de tuer Jésus-Christ. Amen. Abraham was one with God. Abraham was one. God called him my friend. Was hat ihn mein Freund genannt? And God, do you really think God can say, you are my friend today? Prove your heart. Meinst du, dass Gott wirklich sagen kann, dass du sein Freund wirst? Est-ce que toi tu penses que Jésus-Christ, Dieu a appelé Abraham mon ami. Est-ce que tu penses que Dieu va t'appeler aujourd'hui mon ami? Tu dois vraiment t'examiner. He was never against the word of God. Like you. Niemals gegen das Wort Gottes, so wie du. Lui, il était jamais contre la parole de Dieu comme toi. He was unlike you. Il était anders als du. Il était vraiment différent de toi. You will say you believe, but you never act. You lied and lied and lied. Tu sagst, du glaubst, aber du handelst nicht. Du lügst und lügst und lügst. Toi, tu dis que tu crois, mais tu n'es pas en train d'agir. Tu es toujours en train de mentir. You say the message help you, but you keep on lying. Tu sagst, because if the message help you, you will repent. Du sagst, dass die Botschaft dir hilft, aber wenn die Botschaft dir wirklich helfen würde, dann würdest du Buße tun. Deswegen lügst du anscheinend. Et tu dis que oui, la parole de Dieu t'a vraiment aidé, mais tu n'es pas en train de te repentir. Ça signifie que tu étais en train de mentir. You never believe, and that's why you never act. Du glaubst nicht und deswegen handelst that du auch you nicht. You pretend to believe. Aber du tust so, als ob du glauben würdest. Tu n'as jamais cru et c'est pour cela que tu n'es pas capable à agir. C'est pour cela que tu es en train de prétendre d'avoir compris, mais tu n'as rien compris. Abraham believed all God's message, all God's words to him. His word is our message. Abraham hat die Botschaft von Gott geglaubt. He will give me your son, he believe it. Er hat alles geglaubt. You, can you believe that today? You will question it. Genau, er hat alles geglaubt. Er hat selbst geglaubt, als Gott ihm gesagt hat, er soll seinen Sohn geben. Aber würdest du das glauben, wenn Jesus das heute zu dir sagt? Mm. Donc, il a tout cru, Abraham, il a même cru quand l'Éternel lui a dit de donner son fils. Mais est-ce que toi, tu vas tout croire aujourd'hui? Maintenant, tu es en train de douter de tout. You cannot, you that cannot believe, give me your parents. He did not even say kill them. He said give them to me. Choose me. Und du, der noch nicht mal glauben kannst, wenn der Herr sagt, gib mir deine Eltern an. Er hat dir ja nicht mal gesagt, töte deine Eltern, sondern übergebe sie mir einfach. Il a même pas dit de, il n'a même pas dit, il t'a même pas dit de tuer ton enfant. Il a dit, donne-moi tes parents. Même là, tu es en train de douter. Abraham never pick and choose what he will believe. Abraham hat nicht einfach sich rausgepickt, was er never glaubt pick and choose und was er nicht glaubt. Donc Abraham. What to believe. Amen. Abraham n'a même jamais choisi ou bien oui il a délaissé ce que l'Éternel disait il a décidé de tout croire. Er hat alles geglaubt. Amen. Several times God send us message to you. God children here speak to you directly. Often the message also the service everything the Bible study they are speaking to you. It's not man that was speaking to you. It's Christ that was always speaking to you. But you never believe any of them. Abraham never did that. He believed all the word of God. Aber er hat nie getan. Er hat daran geglaubt, was Gott gesagt hat, danach gehandelt. Mm. Aber hier, Leute sprechen zu dir, die Botschaft spricht zu dir, aber dennoch verweigerst du es. Abraham, par exemple, n'a jamais décidé de douter. Mais toi, tu es en train de douter aujourd'hui. What is the difference between you and King Saul? Was ist denn der Unterschied zwischen dir und King Saul? Qu'est-ce qui est la différence entre toi et le roi Saül? If you see King Saul, it was all about himself. Wenn du König Saul siehst, ihm ging es immer nur um sich selbst. Si tu vois le roi Saül, il s'agissait toujours de lui. I don't know if we are going to go there because we must finish here today, please. You know, 1 Samuel 13, from verse 5 to 14. Yes, Samuel. Let's go there and go through the two things. On va le voir ensemble, 1 Samuel 13. Praise the Lord. 1 Samuel 13. Amen. The Lord was always warning King Saul again and again and again. Amen. Was not once he disobeyed him. Hat er nicht nur einmal missachtet. You know, once you start disobeying God, you are going to continue. Wenn du anfängst, and that's why you never don't start it at all. Deswegen fang erst gar nicht damit an. En fait, on va voir que lui, le roi Samuel, il a désobéi à Dieu plusieurs fois. C'est pour cela, c'est important de ne même pas commencer. Parce que dès que tu commences à désobéir à l'Éternel, tu vas toujours le faire continuellement. C'est pour cela, ne commence même pas. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Samuel 13, 5 to 14. Please, you can also read it at home. Amen. 1 Samuel 13, because 5 to 14. You don't have time to go through all. Amen. Mm-hmm. And you can see here that, you know, people people we have excuses. Leute werden eine Ausrede haben. Les gens de ce monde auront toujours une excuse. Amen. Amen.